Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levée au microphone. Et vous le savez, le Québec est un territoire de lacs, de rivières, l'eau coule un peu partout. Mais connaissons-nous vraiment la place qu'occupent tous ces milieux humides au Québec et a fortiori dans tout le territoire du Canada? Eh bien, grâce à une équipe de chercheurs nord-américains, nous disposons maintenant d'une carte de tous ces milieux humides du Canada. Et c'est un travail auquel a participé le professeur Saïd Omayouni, qui est professeur à l'INRS Hautes-Terres Environnement. Et il est avec nous pour nous expliquer comment une telle cartographie a été possible. Bonjour, Monsieur Omayouni. Bonjour. Alors, pour commencer, Monsieur Omayouni, on va définir un petit peu ce qu'on entend par milieu humide. On pense aux lacs, on pense aux rivières, mais on pense à quoi encore? Bien sûr. En fait, les zones humides sont... géographiquement sont très complexes, en fait des écosystèmes complexes, mais on peut dire qu'ils sont les mélanges de terre, l'eau, végétation, l'eau peut être l'eau salée, l'eau douce, donc c'est vraiment compliqué, même pour l'expert. Je suis pas expert en zone humide, mais je collabore avec les experts, donc je sais qu'ils sont très difficiles, et c'est pour ça la cartographie de ce phénomène géographique, c'est particulier. Mais donc, comme je disais, ça inclut les lacs, les rivières, mais ça va aussi aux marais. Oui. Les marécages. Exactement. Normalement, il y a, on peut dire, 4 classes principales dans les zones humides. Sont normalement les marais, les marécages, les fynes, les tourbières. Mais aussi, on trouve des roches parfois, des terres saturées en eau, des terres sèches. Donc, parfois, on se trouve au milieu de forêts. Donc, c'est vraiment des grandes nappes, mais la terre est mouillée, vraiment. Oui, d'accord. Puis peut-être que ça, c'est quelque chose qui varie aussi dans le temps parce que ça sèche un peu. Exactement. Selon les périodes. Il y a des variations annuelles, des variations, on peut dire, saisonnières. Donc, voilà. Une fois les neiges sont fondues, donc il y a une accumulation importante de l'eau, le niveau d'eau, ça va augmenter et bien sûr, ça affecte tout l'écosystème. Ouais. Donc évidemment, on comprend que c'est quand même assez, c'est quand même assez large, ces milieux humides, et on peut pas arpenter tout le territoire pour non, aller. Non, malheureusement, en tant qu'être humain, nous pouvoir, c'est vraiment limité. Et c'est grâce à la technologie télédétection qu'on a des capteurs à bord de satellites, à bord de l'avion, même les drones. On peut installer des capteurs électroniques de différentes natures, optiques, thermiques, radars, lidar, et on peut aller voler sur les zones très loin, au nord par exemple dans les forêts boréales, et prendre des données d'imagerie, et après utiliser ces données pour faire la carte qui couvre les zones humides. Donc là, ça veut dire qu'on a des données qui sont optiques, comme un peu des images, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des milieux humides qui sont peut-être cachés sous les végétations. Exactement. Qu'on ne peut pas voir. Oui. Donc, ça prend d'autres types de données. De données. Des radars, en fait, dans la recherche qu'on vient de publier, on a utilisé une approche qu'on appelle l'approche multisource. Donc, de diverses données observations de la Terre par les capteurs optiques et radars. Donc, les capteurs optiques nous permettent d'observer des informations spectrales ou les couleurs, parfois les pigments, les chlorophylles, ce genre de phénomènes à l'intérieur de chaque objet géographique. Par contre, les capteurs radars nous permettent d'observer ou de fournir des informations sur la géométrie et aussi la nature, le contenu d'eau. Des objets, et les données radar sont capables de traverser les nuages et sont indépendantes de la lumière. Donc, c'est ça qui est intéressant, surtout au nord du Canada, quand il y a toujours le ciel est couvert par les nuages, donc c'est très important. Exactement. Donc là, avec cet ensemble de technologies optiques radar, on arrive à avoir une couverture du territoire. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même aller sur le terrain parce que on a quand même besoin de savoir, quand on a des données radar ou optiques, à quel type de milieu humide ça correspond réellement. Exactement. De façon générale, dans la plupart des approches scientifiques, une fois on fait notre modélisation, on a besoin de vérité terrain pour valider mesurer la précision de nos produits scientifiques. Mm-hmm. Donc, la même chose ici, on utilise le vérité terrain, les données de référence, ouais. Pour d'abord entraîner nos approches, parce que nos approches sont basées sur intelligence artificielle et ouais. apprentissage automatique. Donc, on a besoin d'utiliser ce genre de données pour entraîner nos algorithmes et aussi pour valider nos cartes, nos produits. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça il faut aller soit sur le terrain pour collecter, identifier de façon visuelle les différentes classes dans les zones humides, ou parfois on peut collaborer avec les différents intervenants dans le secteur. Par exemple, on travaille beaucoup avec Canary Limité, les départements comme département ressources naturelles fédérales et aussi provinciales. Okay. On collabore beaucoup pour collecter les données, parce que pour couvrir l'ensemble du territoire canadien, c'est vraiment difficile. Mm-hmm. Ça prend beaucoup de temps, et surtout dans le nord, les logistiques sont très limitées. Ouais. Donc là, il y a quand même des gens qui sont sur le terrain, donc des partenaires comme Canard Illimité, oui. ou d'autres, qui vont sur le terrain, qui font des observations réelles. Oui. Et avec ça, on fait une corrélation avec les données satellites. Exactement. Et donc là, on nourrit l'algorithme. Finalement, on lui dit telle image, telle donnée, ça correspond à tel type de... Exactement. En fait, nos approches, c'est basé à, comme je disais tout à l'heure, basé à la... sur les algorithmes analytiques, on peut dire numériques, ouais. Qui utilisent l'intelligence artificielle et apprentissage automatique. Donc, nos algorithmes sont supervisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on introduit certains sites d'entraînement comme mm-hmm. exemple, qui sont vraiment comme un peu l'apprentissage durant nos enfances. Donc, nos parents nous montrent, par exemple, l'image de chat et chien, et après, nos cerveaux sont capables de comparer ces images qui sont déjà connues et comparer ouais. avec les objets inconnus dans c'est le ça. Roux, et après, faire une comparaison et faire une décision. Donc, on ouais. fait la même chose. On sélectionne quelques échantillons de bonne qualité et en bonne quantité. Et nos algorithmes sont capables de comprendre la nature mathématique et statistique de ces classes okay. d'objets. Et après, dire à l'algorithme d'aller chercher le site similaire à ces objets que je connais bien et faire la carte finale et ouais. étiqueter toute la région et l'image satellite. C'est ça. C'est-à-dire que donc on a des marécages, l'algorithme, on apprend, l'algorithme apprend que les marécages, c'est tel type de données, exactement. Les lacs, c'est tel type de données. Et ensuite, donc, il apprend comme ça, et ensuite, il va, l'algorithme explore l'ensemble de toutes l'ensemble les données. L'ensemble des territoires, l'image. Et il reconnaît avec toutes les autres données de tout le territoire où sont exactement, les. Ouais. Exactement, ça marche comme ça. Ouais. Donc là, maintenant, vous êtes donc parvenu à avoir cette cartographie complète. Qu'est-ce oui. que ça donne? En fait, ce type d'information, on peut dire la répartition spatiale des classes des zones humides sont très importantes pour on peut dire pour le gestionnaire régional ouais. et aussi pour les chercheurs scientifiques, parce que comme je disais tout à l'heure, écosystèmes des zones humides sont très complexes. Il y a des foins, des animaux, des insectes, des grenouilles, des poissons. Donc, il faut étudier ces animaux, étudier l'impact de, par exemple, l'environnement sur ces animaux. Et dans nos jours, on parle beaucoup de changement climatique, donc on sait qu'il y a un effet assez important de changement climatique sur ces zones, bien ouais. sûr, sur les habitats mm-hmm. des animaux. Donc, c'est très important. Et pour nous, on peut dire que les zones humides sont des vitrines de changement climatique. Ah oui. Au sud, on a aussi des problèmes un peu particuliers, parce que les zones humides sont un peu destination finale de pesticides, de matériaux chimiques qu'on utilise pour l'agriculture. Ah donc oui. ça cumule à la fin dans cette réservoir ouais. et ça affecte la vie humaine, mm-hmm. être humain. Ils sont très importants pour de qualifier, de quantifier les objets, en fait, les mm-hmm. objets géographiques ou de différentes classes qui existent dans les zones humides. Donc, mm-hmm. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs chercheurs qui sont intéressés par cette carte-là. Exactement. Mais en fait, concrètement, ça a donné quoi? Ça veut dire que maintenant, on a une carte et donc dessus, c'est dessiné. Là, il y a un lac, là, il y a un marais, là, il y a... Exactement. Ouais. En fait, dans la carte qu'on vient de produire pour première fois, chaque pixel, vous savez qu'est-ce que c'est pixel? Ouais. C'est une zone, par exemple, de quelques mètres par quelques mètres. C'est une observation par satellite. Pour chaque pixel de 10 mètres par 10 mètres, on a trouvé l'étiquette. L'étiquette, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans ce pixel. Ouais. Si c'est forêt, si c'est l'eau, si c'est, par exemple, marais, tourbière, des choses comme ça. Ouais. Donc, pour première fois, on est arrivé à cette résolution. C'était grâce à la donnée d'observation de la Terre librement disponible de l'Agence spatiale européenne et bientôt canadienne. Est-ce qu'une telle carte avait déjà été réalisée dans d'autres pays? À ma connaissance, non, mais ça commence. Parce que la technologie, heureusement, il y a 4 révolutions dans le domaine de géomatique et télédétection, données libres, comment dire. Notre article commence par Big Data for Big Country. Donc, c'est vraiment données massives pour un pays massif. Ouais. Et aussi la technologie de calcul en nuages, la technologie comme intelligence artificielle. Et aussi la technologie de l'informatique open source. Donc, c'est les 4 qu'on a utilisés. Et heureusement, ça a commencé à être utilisé pour différentes applications, agriculture, géologie, même dégradation de forêts ou même de catastrophes naturelles, par exemple. Et vous, donc, dans cette équipe multidisciplinaire, quelle était votre contribution? Exactement. En fait, les 2 premiers auteurs, c'était mes étudiants en baccalauréat en génie géomatique. Après, ils travaillaient avec moi en maîtrise. Et finalement, il y avait un collègue qui avait ce projet et besoin de bons étudiants. Donc, je les envoyais à une université mémoriale. Mais j'étais comme membre de comité de supervision juridique. Donc, on a continuer à travailler ensemble. Mais avec vos étudiants, vous avez participé à l'élaboration des algorithmes, à l'analyse des données. Oui, on a travaillé surtout sur la partie analyse de données et développer des algorithmes qui sont vraiment efficaces. Parce que chaque algorithme a des particularités, des paramètres qu'il faut régler de façon très précise. Donc on a travaillé beaucoup sur ces aspects. Il y a un aspect assez particulier pour cet algorithme. Normalement, les algorithmes qu'on a pour classification sont à base de pixels, mais on a utilisé une approche à base d'objets. Ça veut dire qu'on a identifié quelques pixels et on a regroupé quelques pixels qui représentent une classe particulière, par exemple marais ou tourbières ou par exemple des zones forestières. Et est-ce que vous savez si cette cartographie a révélé des surprises, par exemple une quantité inattendue de tourbières ou de marais ou... Finalement, on a fait une sorte d'analyse statistique et nos résultats, en fait, c'était vraiment proche à nos connaissances. Par exemple, on savait à peu près il y a 14% de surface canadienne qui est couverte par par les zones humides, mais nous avons trouvé qu'il y a à peu près 19%. OK. Quand même, entre 14 et 19%, il y a quand même presque 20%. Mais c'est intéressant parce que la répartition, c'est quand même assez important. Ouais. Donc, il y a parfois des zones qu'on a t'es pas capable d'aller observer et de collecter des vérités terrain. Donc maintenant, nos algorithmes nous ont dit qu'ici aussi, il y a des zones humides. Ah ouais. Donc, c'est intéressant et important pour la prochaine cartographie des zones humides. Puis j'imagine, si je me figure un petit peu la carte du Canada, donc ces zones humides, on va les trouver au Québec, on sait qu'il y a beaucoup d'eau. On va en trouver dans l'Ouest, en Colombie-Britannique. Oui, mais j'ai comme l'impression que dans les parties dans les prairies, ça doit être un peu plus sec peut-être? Oui, c'est un peu particulier là-bas, mais normalement il y a beaucoup dans les zones de forêts boréales. Au Québec, il y en a beaucoup. Et aussi, comme vous avez dit, dans le côté ouest, on trouve beaucoup. Et dans les territoires du nord-ouest, le Yukon, ça se présente comment? Est-ce que là, dans l'Arctique, est-ce qu'on retrouve ces espèces de thermocarstes, les petits lacs qui se forment? Oui, c'est un peu différent. En termes de phénomènes géographiques. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas vraiment expert dans les zones humides. Donc, bien sûr, on peut identifier sur la carte des zones qui sont très sensibles. D'accord. J'imagine que, bon, comme vous le disiez, on est en période de changement climatique, ça va avoir un impact sur les zones humides. Donc, est-ce que ce même travail va être repris avec d'autres données dans les années ultérieures pour voir l'évolution des zones humides? Exactement. Oui, grâce à l'archive qui est... qui est disponible, l'archive de l'observation de Terre par NASA et par l'agence européenne, on a même agence canadienne, on a accès aux données historiques. Donc, nos algorithmes sont déjà développés et entraînés. Donc, on peut appliquer la même approche pour aller voir dans le temps qu'est-ce qui s'est passé sur les lacs, sur les zones humides et les lacs aussi, et étudier. Et aussi, on peut répéter de façon saisonnière parce que les satellites sont dans l'orbite et on a plusieurs systèmes satellitaires opérationnels, optiques, radars et aussi thermiques. Donc, on peut utiliser l'ensemble de ce jeu de données et répéter de façon continue et fréquente nos cartographies. C'est ça, parce que là on a une carte aujourd'hui, mais dans 5 ans, peut-être que ce sera la situation, aura peut-être changé. Exactement, oui, c'est ça. Je crois que grâce à la technologie d'informatique, on peut mettre tout ça dans une chaîne de traitement automatique et ça répète chaque année, surtout par exemple pendant le printemps, l'été et autant, et on peut produire des cartes dynamiques et servir les communautés scientifiques. Mais là donc cette carte maintenant est produite, mais vos recherches continuent. Oui, donc, exactement. Mais vos étudiants ont peut-être également terminé, mais d'autres étudiants vont arriver. Oui. Donc quel est l'avenir de votre recherche maintenant? En fait, comme je disais, on a produit ces cartes à résolution de 10 mètres, mais heureusement, il y a des systèmes de pointe très pertinents, systèmes de télédétection. Donc, ils sont en train de tourner autour de planètes. Par exemple, l'été dernier, l'Agence spatiale canadienne lançait une série de 3 satellites très haute technologie radar. On s'appelle Mission Constellation RadarSat. Donc, on va utiliser ces données parce que sont données publiques gratuites pour les utilisateurs canadiens. Et aussi, il y a des systèmes internationaux qui sont en train de collecter de façon journalière les données optiques. Donc, notre objectif est d'utiliser ces données disponibles et produire une carte avec une résolution de 5 mètres au mieux. Parce que on peut aller 5 mètres carrés? 5 mètres sur 5 mètres? Oui, des pixels 5 par 5. 5 par 5, OK. Ça veut dire 4 fois mieux qu'on vient de produire. Donc, ça donne, bien sûr, plus de détails et ça permet aux gens qui travaillent dans ces zones humides d'aller détailler différents paramètres, par exemple de production de méthane, de carbone, ça c'est possible. Mais justement, parce que vous en parliez tout à l'heure un petit peu, il peut y avoir des pesticides dans l'eau, des résidus, différentes charges chimiques finalement. Là vous parlez de production de méthane, mais les données satellitaires ne donnent pas ces informations directement? Non, mais on a des approches qu'on s'appelle des approches géomatiques au système d'information géographique. Donc, on est capable de faire une sorte de modélisation spatiale. Par exemple, on peut les satellites et les cartes satellites fournissent des informations, mais on peut utiliser différents types d'informations. Par exemple, les cartes géologiques, les réseaux hydrologiques, les zones couvertes par différents types de végétation. Ouais. Et mettre tout ensemble et faire une sorte de modélisation pour comprendre ce qui se passe dans ce phénomène géographique. Mais ça nous dit pas quelles sont les émanations de méthane à un endroit ou la présence de pesticides dans un lac. Donc, il faut aller faire des mesures à nouveau sur le terrain. Exactement. Puis là, modéliser. Mais puis... heureusement, il y a des systèmes satellitaires qui sont en train de développer et ils sont capables d'observer, par exemple, le niveau de méthane dans l'atmosphère. Mais c'est toujours la recherche qui avance et ils combinent différentes disciplines, différentes méthodologies pour répondre à une question particulière. Et puis après, on peut croiser les données. Exactement. Et voir avec les modèles hydrologiques comment un composé chimique se promène dans tout le réseau hydrique du Québec. Oui. Du Québec. Oui. quand même assez passionnant. Exactement. Je ne sais pas si on parle beaucoup de zoonomie, mais je travaille avec la Conseil de recherche nationale à Ottawa et on a un projet de détecter et surveiller les microplastiques dans l'eau. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment lié au milieu humide et les lacs aussi. Oui. Donc, on a commencé à travailler sur ce projet exactement pour répondre à la question comment se promener, déplace, exactement ouais, se déplace ce genre de particules qui est vraiment pas envahissant, très bon pour notre santé. Envahissant, et là donc on parle de particules vraiment très fines, de microparticules de plastique. Exactement, mais c'est un peu particulier parce que pour ce genre de phénomène, on a besoin de capteurs, de systèmes très très particuliers. Et, c'est pour ça qu'on a commencé à faire la recherche dans ce domaine aussi, parce que, comme je disais, c'est très important. Ouais, donc ça, éventuellement, on peut aussi les détecter donc, par satellite. L'objectif idéal, c'est de détecter ce phénomène par les systèmes satellitaires, parce qu'ils sont opérationnels, c'est presque gratuit, mais à cause de la taille des particules qu'on cherche, et aussi la présence de d'autres éléments comme les sédiments. C'est ça, il faut arriver à distinguer une microparticule de plastique d'un sédiment qui flotte entre deux eaux. Mais on a commencé par étudier les eaux fraîches qui sont des sources de l'eau potable, parce que le problème c'est en priorité, mais plus tard on va étudier par exemple dans les côtes, même les lacs. Donc là, c'est un peu le même principe. On envoie des gens sur le terrain, on fait des mesures. Après, on croit ça avec des données satellitaires. Exactement. La télédétection est basée sur un phénomène particulier. On s'appelle la signature spectrale. On sait empreintes digitales comme nous, êtres humains, on a des empreintes uniques. Donc, on essaye avec les capteurs électro-optiques, radars, tout ça, d'observer ces empreintes et demander aux algorithmes numériques de trouver des objets similaires. Ouais. Donc ici, l'objectif est de mesurer la signature spectrale de microplastique dans le laboratoire, par exemple, et regarder les images qu'on capte par les drones ou par les satellites pour voir si on peut détecter ces objets. Et si on arrive à la détection, l'étape prochaine est de répéter l'observation, produire une deuxième carte, faire la surveillance ou étudier la dynamisme de ce phénomène qui se promène dans la nature. Ben, j'ai l'impression que vous n'allez pas manquer de travail les prochaines années si vous devez suivre tous les contaminants à la trace comme ça, vous allez avoir. Je viens de commencer ici à l'INRS, ça fait même pas un an, donc j'ai un plan de recherche bien sûr concentré sur l'environnement, terre et l'eau, donc je suis très contente de continuer dans ce domaine. Ben, peut-être que vous viendrez nous en reparler quand vous aurez des résultats sur le plastique. Oui, bien sûr. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Omayouni, d'être venu à nos micros de Futur Simple pour nous expliquer vos recherches. Bienvenue, merci. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. On fait une petite pause musicale sur CKRL 89.1 avant le mot de la fin.